أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن إن شاء الله غدا يكون ليلة 27، لأنه هو الليل سابق النهار، يعني اثنين تكون ليلة الثلاثاء، يعني ليلة 27. دونك دوما كوم يوزادي دونك سا سرا لا نوي دي 27. معلش انا يمشي ولا ما يمشيش؟ سا فونكسيون ولا الوغ؟ دونك لا نوي دي 27، لأنه هي اعتاد المسلمون هي ليلة 27، مش شرط تكون ليلة القدر، لكن قد تكون هي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها وترا، يعني أغلب ما تكون في العشر الأواخر وأغلب ما تكون وتر. دونك لا إلى دي البروفيت كو اون بلو سوفون، يعني ليلة القدر سي دون لي دي ديرنيير نوي، et le plus souvent c'est impair. Mais c'est une habitude des musulmans, ils font la nuit du 27 parce que dans l'islam, bien sûr, comme on a appris, les bonnes innovations sont acceptées. Yani comme a dit Sayyidina Omar, bid'a ni'mal bid'atu hadhi bid'a al-hasana maqboula fi ad-din. Allah قال وافعل الخير. حتى مثال سهرية دينية كل للجمعة ولا مرة جمعة في الشهر، أفعل كل ليل 27 مسلمون يعملوا كما يقولوا سهرية دينية، مش كما هذا المتطرفين يقول لك بدعة بدعة بدعة. أي بدعة ثم بدعة حسنة بدعة سيئة، حتى يناقشوا وقت حتى في نصف من شعبان يقولوا بدعة، يعني هذوما الشياطين. دونك بيان سور كما نعرفوا لي بونز انوفاسيون، les extrémistes là qui ils sont contre même jeûner la moitié de Charban. Et donc les musulmans, donc comme bonne innovation, bon, ils font, ils commémorent, on va dire, chaque nuit du 27, parce que les portes sont ouvertes ou bien dans l'islam. Waf'alul khayr, Allah dit dans le Coran. Si quelqu'un il veut, par exemple, il fait une soirée religieuse tous les nuits du vendredi ou une vendredi par mois. Et une fois dans les 20, la nuit du 27, ils font ça, les musulmans. Donc d'un côté, c'est bien, mais d'un côté, il faut comprendre, ça ne veut pas dire forcément que c'est la nuit du 27. Parce qu'il y a des preuves sur ça. Yani laysa shart kun layla 27. Nourada fi al-hadith annu al-Qur'an yani unzila 24 Ramadan nazala. Wa kan layla al-qadr وقت نزل القرآن جملة من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا نزل ليلة 24، فها ليست وتر، لأن 24 مش وتر ومش 27، كانت ليلة 24 في الليلة التي نزل فيها القرآن. Donc par exemple dans le hadith confirmé que le Coran a été descendu en une fois de la table préservée jusqu'au yani le ciel du bas monde la nuit du 24. Donc c'est pas une nuit impaire, c'est pas la nuit du 27. C'était Laylat al-Qadr quand le Coran était descendu. Ça veut dire c'est pas forcément la nuit du 27. Mais ça empêche de que c'est bien de faire le bien. Donc mais ça arrive souvent que ce soit la nuit du 27. Yani qad takuna fa huwa al-muslim 'alash yani hadha يعني الله جعلها هيك يعني مجهولة في كل الشهر، حتى الإنسان يقوم كل الشهر يطمع أن يرها ولا أنه يصادفها، لأنه حتى ما شافهاش وصادفها له الفضيلة عبادة ألف سنة. ألف سنة يعني بدون ليلة قدر طبعا. Donc la sagesse dans le fait que c'est inconnu, indéterminé, pour que la personne veille toutes les nuits, pour coïncider. Parce que même si elle ne l'a pas vu et qu'elle coïncide, elle aura cette faveur qui est à la valeur de 1000 mois. 1000 mois, comme c'est dit dans le Coran, « khayrum min alfi shahr ». C'est-à-dire 1000 mois sans la nuit de Qadr. Parce que sinon, la nuit de Qadr, elle fait la valeur de 1000 mois. Et donc, voilà, donc c'est donc demain il y aura ça, donc rappel religieux, etc. Demain, inshallah, ghadan inshallah يكون هذا. ولكن طبعا القدر، القدر معناها العظمة، ليلة القدر. الله قال إن أنزلناه في ليلة القدر، مش ليلة القدر، ليلة القدر بالسكون. قدر يعني يقول لك فلان قدره نبي عد قدره عالي. قدر معناها العظمة، مش القدر. شفتوا؟ هي ليلة القدر. يعني en fait la bonne traduction ça serait la nuit de la grande valeur. C'est pas la nuit du destin. La nuit de la grande valeur. Parce que قدر c'est avec سكون. C'est pas فتحة. قدر en arabe c'est l'importance, l'éminence. Et donc, معناها درجته عالية. Sa valeur elle est grande. Sa valeur elle est grande. C'est ça que ça veut dire. أما على كل حال إنسان مسلم يعتقد يؤمن بالقدر خير وشره وما قدره الله لا يتغير. سبحان اللي غير وما يتغير. Ah. شوف له كرسي الحاج بالله. مش يبقى في الهواء قال. إذا تقدير الله لا يتغير. قال تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. لكن ورد أنه الله يطلع ملائكته على أشياء ستحصل يعني طيلة السنة إلى ليلة القدر من العام المقبل. وهنا يعني هذا يبين لنا أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن هذا الخبر هناك جن يسترقون السمع، يسترقون السمع. فلهذا أحيانا تسمع الناس يقول لك فلان شو ولي رئيس، يقول لك واحد هذا هكلي خرف وهذوما وجي صحيح. تلقى يتعامل مع الجنون، سمعوا هذا الخبر، ملائكة يتحدثوا، ملائكة السماء يتحدثوا ببعض الأخبار، فلان ولي رئيس، فلان تكون فيضانات، حرب هونيك كذا. لكن لا يعلم الغيب إلا الله. الرسول نفسه لا يعلم الغيب. قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. Donc ici, donc on a dit c'est la nuit de la grande valeur et bien sûr ce que Dieu a prédestiné ne change pas, c'est impossible rationnel, ça on l'a vu. N'aura lieu que ce que Dieu a voulu, bien sûr. Et donc mais ce qui est rapporté c'est que Dieu donne aux anges donc à connaître certaines choses qui vont avoir lieu dans cette année jusqu'à la nuit del Qadr de l'année prochaine. Donc c'est ça qui est rapporté. Mais il n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. Donc il leur donne. Donc eux ils discutent de ces informations et c'est pour cela il y a des djinns, certains djinns qui vont écouter. Ils vont vendre l'information à des charlatans. C'est pour ça ça arrive, certains charlatans disent ah, un tel est. Il va devenir président, il va y avoir lieu telle chose. Ça a lieu. Ce n'est pas qu'il sait les choses cachées, mais c'est qu'il a ces informations qui ont écouté certains djinns, tout simplement. n'y a que Dieu qui sait les choses cachées. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الرسول مرة أضاع الناقة، ضيع الناقة، ما عرفش فينها. جاءوا الكفار تاع قريش يتمسخروا، قالوا هذا يقول الرسول وما يعرفش فينها الناقة. قال ماذا قال الرسول؟ قال إني لا أعلم إلا ما علمني ربي، وأنه أعلمني أنها في مكان فلان، شافوا لقاها في المكان فلان. معناها الرسول رد عليهم مرتين، يعني كما نقولوا بالعامية تضرب عصفورين بحجرة، معناها بين لهم أمر عقيدة يعلمها هو، يعلم للناس عقيدة الأنبياء لا يعلم الغيب إلا الله، وبين لهم أمر ثاني أنه هو نبي الله أعلمه. يعني كيف يقولوا سكتهم مرتين، هم جاءوا يتمسخروا، قال لهم لا أعلم إلا ما علمني ربي، هذا الواقع، علمني أنها في مكان فلان فخوها في مكان فلان كما قال الرسول، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. Donc par exemple le prophète عليه الصلاة والسلام une fois il a perdu sa chamelle, il savait pas où elle est, et le mécréant il venait se moquer. Ils ont dit, ah, lui, il dit prophète, il ne sait même pas aller où la chamelle. Le prophète, il a répliqué, il a dit, je ne sais que ce que Dieu me donne à savoir. Et il m'a fait savoir qu'elle est dans tel endroit. Donc ça veut dire, il l'a répliqué deux fois. Ils ont vu, ils ont trouvé qu'elle est quelque part, où il l'a dit. Ça veut dire, il a montré un point de croyance, qui est la croyance de tous les prophètes. Il enseigne ça. Ce n'est pas un charlatan, lui. Il enseigne la vérité. Il sait que ce que Dieu lui a donné, c'est la vérité. Il n'y a que Dieu qui sait tout. Parce que lui, il ne dit pas aux gens « adorez-moi ». Aucun prophète ne dit « adorez-moi ». Et il a remontré un deuxième point que c'est un prophète. Parce que Dieu lui a fait savoir une chose aussi qu'on ne peut pas savoir d'habitude. Une chose cachée, on ne peut pas savoir comme ça tout seul. كانوا يعملوا الشعر هكذا بشي متحو الرسول، قالت وفينا رسول يعلم ما في غدي. الرسول قالها لا تقولي هذه، هذه نحاها، الشيء مخالف لا يسكت عليه الرسول، مش كما الآن يداهن ويعلم الناس داهن، يقولك لا يسكت توش تقص على الشيخ، هذاك الدكتور هذاك تحكي معه أنت، هكي يتكلموا الناس، ايه الدكتور هذاك تحكي معه. الرسول دخل المسجد قال بئس الخطيب وانت قدام الناس، واحد عمل غلطه صغيره، فهم بالك الان باسم الدكتوراه يعلموا في الكفر والضلال جهارا. بروفيت اون فوا كاي في دي جون يفون ليلوج دو بروفيت اي تو بروفيت يدي يدي ريان كون سا كونتردي با مي الا دي ان بارول كي سدي با ال فيزي البويم الا دي Il y a parmi nous un prophète qui sait ce qu'il y a demain. Elle lui a dit non, il ne faut pas dire ça à le prophète. Il lui a interdit de dire cette phrase dans ce poème qu'elle disait. C'est-à-dire, le prophète nous enseigne, on ne se tait pas face au mal. Ce n'est pas comme des gens maintenant. Moudahan, c'est passer la pommade. Il veut que les gens les flattent dans le faux. Et si tu conseilles des gens. Il dit non, lui c'est le représentant des musulmans, lui c'est le docteur, comment tu oses parler? Et ils te font un sketch. Alors le prophète il est rentré dans la mosquée, quelqu'un il a fait une petite erreur et devant les gens il lui a dit quel mauvais orateur tu fais. Il dit فقد غوى. قال له بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله. شبين يعني الناس اللي تكذب البرة وعندهم المداهنة فقط. دونك lui il a fait une petite erreur, il a dit celui qui obéit à Dieu il a son messager il a réussi, ça c'est vrai. Bon, et puis il a dit celui qui leur désobéit il a perdu. En fait, c'est la petite erreur, c'est qu'il a dit leur. Il a dit le prophète, quel mauvais orateur tu es. Dis celui qui désobéit à Dieu et à son messager. Ne dis pas celui qui leur désobéit avec un seul pronom. Ne fais pas un seul pronom pour Dieu et le prophète. Sur ça, le prophète lui a dit, quel mauvais orateur tu es. Il a arrêté. Alors, de nos jours, les gens sont tellement dans... Ils ont été manipulés beaucoup. Ils sont loin. Si tu rentres dans une mosquée, le jour du vendredi, quelqu'un il fait une erreur, tu lui parles, les gens, tu vas sortir à les yeux bleus. Tu vas aller aux urgences. Même s'il a dit une grave chose, si tu parles, ils vont t'écraser, les gens. Il y en a au nom de docteur ou avec les titres que tu peux acheter d'ailleurs facilement. Et ils disent n'importe quoi. Et donc, قلنا تقدير الله لا يتغير. نستفيد بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قال عليه الصلاة والسلام أنزلت التوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. أنزل التوراة ستة من رمضان وأنزل الإنجيل ثلاثة عشر وأنزل القرآن أربعة وعشرين ستة وثلاثة وأربعة وعشرين التوراة والإنجيل والقرآن. Dans un hadith, le prophète عليه الصلاة والسلام il explique que le Taurat a été révélé le 6 de Ramadan, l'Injil 13 de Ramadan et le Coran c'est le 24. Il est descendu, nazala dufa wahida, wa illa rasul nazala alayhi huwa 23 sana mutafarriqan 23 sana ala hasb al hadath wal asbab kadha wa thumma ayat nusikhat rufi'a kadha. Donc ça c'est quand il était descendu d'une fois, d'un seul coup. Mais sinon, le prophète lui-même, il a reçu pendant 23 ans. Donc c'est une sagesse, yani. Dieu peut donner toute la connaissance du Coran au prophète directement, mais pour montrer qu'on acquiert par étapes. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. Donc, ولكن كونوا ربانيين, c'est-à-dire, يعني on apprend la religion, on enseigne la religion par étapes. Par étapes. On comprend les choses de base, on passe aux choses intermédiaires avant d'arriver aux choses développées. C'est ça l'habitude des sages. Dans les domaines de l'enseignement. إذن هذه ليلة خير من ألف شهر كما ورد في القرآن. Donc c'est une nuit meilleure que mille mois, comme cela a été révélé dans le Coran honoré. Donc bien sûr, c'est bien veiller, tout ça, mais c'est, dans l'islam, ce n'est pas obligatoire. Beaucoup ils posent la question. Yani, toutes ces choses-là sont bien, mais ce n'est pas obligatoire. Dans l'islam, le Rasoul alayhi sallallahu alayhi wa sallam, قال عندما رجل سأله ماذا يعني الفرائض فأخبره بالفرائض فقال فوالله لا أتط... يعني لا أنقص مما افترض الله علي شيء ولا أتطوع شيئا. قالوا ما ليش نزيد وما ليش نقص. الرسول قال أفلح الرجل إن صدق, ما يعني فقط الفرائض. الرسول قال أفلح الرجل إن صدق, يعني مش يعني لا نغالي في الدين, نفرض أشياء ما فرضهاش الله سبحانه وتعالى. Donc dans la religion, le prophète, quelqu'un il lui a posé les questions sur les obligations, il lui a expliqué, le prophète il a dit je ne vais pas rajouter, je ne vais pas enlever. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'homme, il aura réussi s'il dit vrai. C'est-à-dire, si déjà il fait que tout ce qui est obligatoire, il a fait grand chose. مش بعض الناس يخلي يترك القضاء الصلوات وقضاء الصيام ويمشي يعمل في النوافل، هو ما فعلش الفرائض. Ça veut dire aussi, c'est pas quelqu'un qui se donne à faire les prières surrogatoires et faire ce qui est surrogatoire et il n'a pas appris, il n'a pas fait le rattrapage. Ou il y a des gens qui lisent le Coran, ils ne lisent pas le fard. Ils ne lisent pas le Coran, mais le fard. Il y a le Fatiha. Il y a des gens qui lisent le Fatiha, mais il ne lisent pas le Fatiha. Ils ne lisent pas le Coran. Il y a des gens qui vont réciter le Coran, ils vont réciter, mais ils ne savent pas réciter le Fatiha correctement. Donc la prière n'est pas valable. Donc la religion c'est facile. Donc, les obligations avant. Allah قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام il dit que Allah Ta'ala dit mon ce qui signifie mon esclave ne se rapproche davantage de mon agrément que parce que je lui ai rendu obligatoire. Qu'est-ce qui rapproche de plus de l'agrément de Dieu? L'obligation. Et voilà, yazalu abdi yataqarrabu ilayhi binawafili hatta uhibbahu. Ensuite, il se rapprochera davantage après cela par les choses surrogatoires jusqu'à ce qu'il soit agréé par Dieu. Hatta uhibbahu, une daraja alia. Idha sar min ahbab Allah, hada wali salih. Li sar min ahbab Allah, Allah yahfazuhu min al-kufr. Kun mahfouz min al-kufr. ولكن ليس محفوظ من المعاصي. Quand il arrive c'est-à-dire un degré que Dieu l'agrée, أحباب الله, c'est-à-dire il devient wali, saint. ورد فإذا أحببته كنت يده التي يبتش بها وعينه التي يبصر بها. ما معناها؟ معناها الله يعطيه سر في يده وفي بصره وسمعه. هذا معناه يعطيه سر. هذا معناه كنت يده التي يبتش بها هكذا في الحديث وعينه التي يبصر بها وأذنه التي يسمع بها. هذا المجاز كما بينا عدة مرات والصحابة يفهموا العربية الفصيحة. مثل ذكرنا حديث مريضت يا ابن آدم. Donc dans la suite du hadith il dit que كنت يده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها. C'est pas comme certains traduisent, bon, ils vont grave dans les traductions eux. Ici ça veut pas dire Dieu il sera ton œil ou le pied de cet homme là. Non, c'est un sens figuré. Ça veut dire ici كنت يده, ça veut dire Dieu lui donne un secret dans ses organes. Il lui préserve ses organes. Donc, lui préserve ses organes, que ce soit des maladies donc graves ou des péchés. مثل واحد رأوه يعني كان كبير في السن ولكن كان بصحة جيدة قالوا كيف هذا في العمر هذا في الصحة؟ قال حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. يعني أطعنا الله في الصغر وكذا ربي حفظها الله لنا يعني في الكبر. كما quelqu'un qui était âgé avant et les gens ils s'étonnaient, ils voyaient quelque chose. C'est un homme qui a vécu jusqu'à l'âge de 150 ans, c'est ça? Combien? 150 ans. Peut-être, oui, c'est possible. J'ai oublié, moi. C'est possible, bien sûr. Il y avait un homme donc, qui était âgé. Il était en bonne santé. Et lui ont posé la question. Il a dit, alors... C'est-à-dire, il s'étonnait, les gens. Comment il est en bonne santé? Et donc, il a c'est-à-dire les membres fonctionnels encore. Et il a dit, une phrase qui résume un peu, il a dit, on a préservé les organes. Quand on était jeune, en étant jeune de la désobéissance de Dieu, et Dieu nous a préservé les organes quand on était âgé, quand on est devenu âgé. Il y a la baraka, bien sûr, quand on obéit à Dieu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Donc quiconque fait preuve de piété à l'égard de Allah, c'est-à-dire Dieu lui accorde une issue, il facilite, lui accorde la subsistance d'où ne s'attend pas. هذا مجرب سبحان الله واحد يتقي الله يخاف الله فعلا تفتح له الأبواب ورد يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاتعبيه هذا حديث تلقى اللي يجري ورا الدنيا تعب ديما يخرج من شيء يجي شيء آخر أما ليتقي الله يخاف الله تفتح له تتسهل له الأسباب لأنه هو خالق الأسباب هو الله. Donc comme dans le hadith celui qui court après le bas monde le fatigue et celui qui obéit à Dieu qui est au service de la religion le bas monde sera à son service. Ça c'est vraiment quelqu'un qui est sincère qui obéit à Dieu qui fait les choses bien, ben ça se facilite. C'est Dieu qui crée les causes et les conséquences. يجعلك الله أسباب يرزقكم من حيث لا تحسب. يجعل أسباب تتسهل. مش معناها في ينزل لك مطر يعني هذه درجة أخرى. نزلت سيدنا أيوب نزل له ذهب. pas forcément que ça pleut de l'or comme سيدنا أيوب. c'est arrivé سيدنا أيوب ça pleuvait de l'or pour lui de l'argent. Mais Dieu te facilite des causes. C'est pour cela qu'il faut que s'arrêter. Si tu vois le haram, tu t'arrêtes. Bien sûr, ça demande un effort contre soi-même. هذا بدا يعني جهد النفس. إذن كنا البارحة ذكرنا إن شاء الله ذكرنا عن شيء مهم. تكلمنا عن أسباب العلم للخلق. يعني تكلمنا شيء مهم وهو الدليل العقلي كيف نعرف الأشياء بالدليل بالعقل أو الحواس السليمة أو الخبر الصادق. Donc hier on avait parlé justement donc les sources de connaissances, la raison, on a détaillé la raison, les sens qui sont sains. Et la nouvelle véridique. La nouvelle véridique de deux sortes. يعني الخبر الصادق على نوعين خبر الرسول مؤيد بالمعجزة. الأنبياء لهم معجزات. الأنبياء لهم معجزات تدل على صدقهم. الله تعالى يخرق لهم العادات حتى يبين للناس هؤلاء صادقون فيما يبلغون عني. لهذا يخلق الله لهم العادات. Donc les prophètes, Dieu leur accorde des miracles pour montrer qu'ils sont véridiques de leur transmission, de ce qu'ils transmettent, de ce que Dieu a révélé pour eux. Donc Dieu leur accorde des choses extraordinaires. ف يعني هذه ثبتت بالمشاهدة الذين شافوا ثبت لأنهم رأوا بالحواس والذين لم يشاهدوا نحن لابد أن نصدق لأنه ثبت بخبر متواتر كثير روى عن كثير. كيف رد على الكافر؟ قال له كيف تصدق بلينين وباستير وكذا ما تصدقش بالنبي وهذا ما شفتوش؟ كيف صدقت بهذا؟ بخبر. ونحن صدقنا بالنبي بخبر ثابت. Donc on a donc ceux qui ont vu les miracles des prophètes, ben c'est catégorique pour eux, ils ont vu. La lune s'est divisée en deux pour le prophète, donc la nourriture qui a parlé dans la main du prophète, ou l'eau qui est sortie entre ses doigts, le prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux qu'ils n'ont pas vu, c'est quand ils ont reçu ça par l'information mutawatir. Qui est notoire, qui est rapporté par beaucoup de gens, Donc on doit croire. Ceux qui contredisent, on leur dit comment tu crois un tel, il s'appelle Lénine, un tel qui est pasteur, il a existé, tu ne l'as pas vu. Parce que beaucoup de gens, ils ont vu, qu'on parle. bah, les prophètes, beaucoup de gens, ils ont vu, ils ont transmis à beaucoup, etc. Donc c'est la nouvelle véridique. رأينا هذا الذي لا يصدق بالخبر متواتر هذا ينكر أصله. رأينا أنه كيف الإنسان يعرف أمه أن فلان أمه؟ هل رأى كيف يصدق أن فلان أمه؟ لأنه خبر الناس الذين حوله، هو لا رأى وليس ولا يوجد دليل عقلي. لهذا أحيانا يسرقوا الأولاد، ما فيش دليل عقلي أنه فلان ولد فلان. إذن يعرف هذا بالخبر. Donc, par exemple, l'exemple, si quelqu'un il renie cette source d'information, il va renier son origine. Parce que comment l'un de nous il confirme qu'une telle, c'est bien sa mère? Il n'a pas vu, c'est pas une preuve rationnelle. C'est l'information dans son entourage qui confirme ça. Donc, il ne doute pas, parce qu'il y a une information fiable de sources sûres, c'est-à-dire de beaucoup de gens qui confirment ça. Donc on ne peut pas nier cette source d'information. Donc c'est l'information, donc la véridique, c'est ça, la nouvelle véridique. Le khabar al-sadiq, khabar al-rasul mu'ayyid al-mu'ajiza, ou khabar al-mutawatir, al-thabitu ala al-sinati qawmin, la yutasawwaru تواطؤهم أي اجتماعهم على الكذب عادة. كثير شافوا ثم خبروا كثير ثم خبروا كثير، هكذا. هذا هو تعريف الخبر المتواتر. والقرآن متواتر، هذا الذي ينكر حرف من القرآن ليس مسلم، يقول نحي هذا الحرف، هذا لا يكون مسلم، لأنه القرآن متواتر. Donc, la nouvelle véridique, elle est de deux sortes. Il y a la nouvelle du prophète, appuyée par le miracle, et la nouvelle notoire, la nouvelle mutawatir en arabe. Donc, c'est la nouvelle confirmée sur les dires de beaucoup de gens qu'on ne peut pas s'imaginer que ce soit, qu'ils s'accorderaient sur le mensonge. Qu'il est impossible, selon l'habitude, qu'ils se réunissent sur le mensonge. Il est impossible selon l'habitude qu'il se réunisse sur le mensonge. Ça entraîne une connaissance véridique certaine. Le Coran, il est mutawatir. Ça, nier une seule lettre qui fait partie du Coran selon l'unanimité, vous avez vu dans les cours, c'est démenti de la religion. Donc c'est mutawatir. Khabar mutawatir, c'est l'a'la. On a qu'à khabar l'ahad. حديث صحيح قد يكون خبر أحد، يعني ثقة عن ثقة عن ثقة، يكون حديث صحيح. أقوى هو المتواتر، يعني كثرة عن كثرة عن كثرة. Donc c'est le plus fort dans la chaîne de transmission, le mutawatir. Par exemple, حديث صحيح، ça peut être juste un hadith de une personne d'une personne digne de confiance, d'une personne d'une confiance, personne unique, deux personnes uniques, ça fait un hadith صحيح. Alors, mutawatir, c'est plus fort, c'est plusieurs, de plusieurs, de plusieurs, de plusieurs. Donc, c'est la connaissance, ça entraîne une connaissance catégorique fiable. Chufna, yani, asbab al-ilm al-khalq thalafa, comme a dit Nasafi. Al-aql, al-hawas al-salimatu, wal-khabar al-sadiq, wal-aql. Donc, on a vu hier, donc, il a dit Nasafi, les causes de connaissance que les créatures ils ont, c'est les trois sources. Les sens qui sont sains, la nouvelle véridique et la raison. Ça, vraiment, c'est très intéressant si quelqu'un l'apprend par cœur. Yani, cette introduction. N'importe qui va discuter avec lui. Donc, asbab al-ilm al-khalq thalathatun. الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. والخبر الصادق على نوعين، أحدها خبر الرسول المؤيد بالمعجزة، والثاني الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور اجتماع على الكذب، يعني يستحيل عادة اجتماع على الكذب. Donc il dit la source de connaissance que les créatures ils ont trois causes. Les sens qui sont saints, la nouvelle véridique, qui est de deux sortes, et la raison. La nouvelle véridique de deux sortes, la nouvelle du prophète appuyée par le miracle, et la nouvelle confirmée sur les dires de plusieurs gens qui se réfèrent à la perception sensorielle ou auditive. Visuel, voilà, sensoriel, auditive ou visuel. C'est-à-dire ils ont vu. C'est pas une théorie de quelqu'un qui s'est propagée, ça rentre pas dans ce cadre-là, non. Une théorie de groupe de gens, puis ils ont beaucoup d'adeptes, non, c'est pas ça. C'est beaucoup, ils ont vu, ils ont rapporté à beaucoup, qui ont rapporté à beaucoup, qui ont rapporté à beaucoup. يستند إلى السمع أو الرؤية، مش واحد عمل نظرية وبعد عنده أتباع كثير، لا هذا ما يدخلش فيها. مثال يقولوا عيسى مصلوب، هذو ناس عملوا نظرية، كانوا شوية ناس شافوا إنسان مصلوب فاختلفوا فيما بينهم وعملوا نظرية. اللي قتل هو صاحب عيسى، اللي ورد في القصة وفي القرآن، القرآن خبره أقوى، فالذي يعارض خبر أقوى يكون مردود، الخبر الذي يعارض خبر أقوى منه يكون مردود، القرآن خبر أقوى وهو متواتر. Donc l'information qui contredit une information plus forte, elle est refutée. Comme ceux qui prétendent que Isa a été crucifié, le Coran est plus fort. Il dit qu'il n'a pas été crucifié. Et puis ces gens-là, c'est une théorie. C'était des deux ou trois. Enfin, c'était 7 ou 9 ce qui a été rapporté, qui ont vu quelqu'un de loin qui était exécuté, et alors c'était en réalité un des compagnons d'Isa qu'on a vu dans l'histoire, qui était tué à sa place. Donc même s'il y a beaucoup d'adeptes, ça n'entraîne pas une connaissance fiable. C'est pas beaucoup de gens ils ont vu directement, non. Et en plus ils étaient pas d'accord entre eux, ceux qui ont prétendu voir en fait. Donc est-ce que c'est clair? Donc asbab al-ilm al-khalq thalathat: al-aql, al-hawas al-salima, wal-khabar al-sadiq. Donc asbab al-ilm al-khalq thalatha: al-hawas al-salima, wal-khabar al-sadiq, wal-aql. ومهم إعادة، يعني مش غير عبي ودخل منه وخرج منه. يعني شوية يفهموا ويزيد شوية ويفهم، هيك يكون عنده ما شاء الله يعني علم ينفعه. وقل ربي زدني علما ومن أصدق من الله قيلا، يعني الله أخبر أهمية هذا الشيء. دونك الله دين القرآن وقل ربي زدني علما، يعني كي سينيفي او الله اوغمونت ما كونيسونس. دونك سي امبورطون سي شوز لا. دونك la source de connaissance, il y a trois causes, les sens qui sont saints, la nouvelle véridique, la nouvelle de deux sortes, et la raison. Donc avec ça, tu montres que l'islam, c'est la vérité. Il n'y a que l'islam qui remplit tout ça, toutes ces conditions. Inna dina inda Allah l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة، حجة ودليل واضح، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. donc قل هذه سبيلي في القرآن، dis ceci ma voix، j'appelle à أدعو إلى الله، j'appelle à obéir à Dieu، à croire en Dieu. À la basira. À la basira, c'est-à-dire avec une preuve claire. Ce n'est pas aveuglément. C'est une preuve claire. L'islam, elle a la preuve. C'est la vérité. C'est la seule vraie religion. Allah قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يعني المسلم ديما فوق. فوق الذين كفروا. ولو هذا عنده سلاح وكذا، ولكن هل فرعون كان أقوى يعني حسا من السحرة؟ لكن شكون ربح؟ شكون غلب في الحقيقة؟ هم ثبتوا على الدين وماتوا شهداء. لأنه هو يعني حتى في الحرب يقول لك كيفاش يقول لك واحد يعني خسر شوية ولكن هو ربح الحرب في الأخر، خسر بعض المعارك ولكن في الحرب هو ربح، هو عنده سلاح وعمل له كذا ونهب وقتل ولكن مش يموت، وين يمشي؟ جهنم خالد فيها. أما المسلم رابح في الأخر، يعني نعيم بلا نهاية. دونك الله تعالى دين القرآن وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، هي نزلت في حق عيسى، معناها اللي اتبعوا عيسى شكون؟ اللي اتبعوا محمد. من هم اتبعوا عيسى؟ اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كي قال يهود يصوم ماذا قال؟ نحن اولى بموسى منكم، وقال وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي. شكون اللي يتبع عيسى؟ شكون يؤمن بعيسى؟ يتبع سيدنا محمد. لا نقول هؤلاء يؤمنون بعيسى، ما يؤمنوش بعيسى ولا يؤمنوا بموسى. شكون اللي يؤمن بموسى؟ من يتبع دين موسى ودين عيسى؟ اللي يتبعوا سيدنا محمد. موسى وعيسى ايش قالوا؟ قالوا مثل النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنه يأتي من بعدهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت يا أخي فليه سجد عيسى وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، سيديا ceux qui te suivent Dieu fait que ceux qui te suivent ils seront au-dessus des mécréants jusqu'au jour dernier. Qui suivent qui? عيسى. C'est qui suit عيسى؟ C'est ceux qui suivent Mohammed. C'est ça que ça veut dire. Qui suit Moussa? C'est ceux qui suivent Mohammed qui suivent Moussa. C'est pour ça que le prophète il a dit aux mécréants quand il a trouvé qu'ils jeûnaient à Ashura, il a dit Nahnu awla bi Moussa minkum. Nous sommes prioritaires sur Moussa. Parce que nous avons la religion de Moussa. Qui croit en Moussa? C'est celui qui croit en Mohammed. Qui suit Isa? Qui croit en Isa? C'est lui qui croit en Muhammad. Donc on ne dit pas ces gens-là, ils croient en Isa. Ils ne croient pas en Isa. Car Isa, il a dit, après moi, il y aura Muhammad. Isa, il a dit, Dieu, il est unique, il n'a pas de fils, il n'a pas d'associé, il n'a pas besoin de ses créatures. Tous les prophètes, ils ont dit ça. Kul anbiya qalu, shufna nahnu, fi tafsir, tafsir Fakhreddin al-Razi, shufna kalam jamil, qal, mada qal Fakhreddin al-Razi? شفنا تفسير فخر الدين الرازي قال دين موسى وكل أنبياء أن الله لا يوصف بالمكان، ونسبة المكان وسكن السماء هو دين فرعون وإخوانه من الكفرة. قال هيك التفسير. علاش؟ وقت استدل الجدال اللي كان بين موسى وفرعون، موسى يعني ذكر في حق الله صفة خالقية ولم ينسب إليه المكان، أما فرعون ماذا قال؟ قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قال فخر الدين الرازي فطلب الإله في السماء. قال معناها دين فرعون وإخوانه من الكفرة نسبة المكان إلى الله، والأنبياء دينهم واحد. قال عليه الصلاة والسلام دينهم تنزيه، فليتبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يتبع الدين الحق، يتبع عيسى ويتبع كل الأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله. Donc celui qui suit Muhammad صلى الله عليه وسلم il suit la religion de tous les prophètes. Et d'ailleurs on avait vu dans le tafsir de Fakhreddin al-Razi il avait dit une belle phrase et il expliquait comment Moussa est répliqué, Sayyidina Moussa est répliqué à Pharaon. Il disait à chaque fois que Dieu est le créateur, créateur de vos parents, le créateur du monde, le seigneur de l'Orient, l'Occident. Il a dit, ça veut dire la croyance de Moussa et tous les prophètes, que Dieu, on ne lui attribue pas l'endroit. Mais on lui attribue là, qui est le fait qu'il est le créateur de toutes choses. Mais Pharaon, le maudit, il croit que Dieu habite le ciel. Et donc c'est la religion de Pharaon et tous ses frères mécréants. C'est comme ça qu'il a dit Fakhreddin Raz. Parce que Moussa, il a dit, il est cité en Coran, il a dit, construis-moi une tour, je veux voir dans le ciel, je veux voir le Dieu de Moussa. Ça veut dire que Pharaon, dégaré, parce que dans le verset, Allah قال في تتمة الآية وكذلك زوينا لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. معناه اللي اعتقدته هذا صد عن السبيل. ونفس الشيء قال إمام ابن الجوزي في كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، يرد على المشبهة، قال شوفوا هذا السخافة، يستدلوا بفرعون، قال لهم الله قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، معناه اللي يعتقد مثل فرعون صد عن السبيل. هذا رد كون ابن الجوزي. ابن الجوزي هذا كان قوي في الوعظ، يعطي درس نصارى يدخلوا بالمئات، كان النصارى يحضروا حتى دروس المسلمين، دروس قبل كما تو يجيبوا فنان وكذا عبي استاد، قبل مدرس شيخ ناس مئات آلاف، يبدأ كل شوية عند مبلغ، كل يعني مسافة ثم مبلغ يكرر، ثم عاد أولياء صالحين ما غير مبلغ لحد شيء كما أحمد الرفاعي يسمعهم القرية الأخرى ما غير ميكرو ولا غير تلفزة، هذوما الصالحين. أحمد الرفاعي كان كبار الصالحين، كان معاصر لسيدنا عبد القادر الجيلاني في العراق، كانوا يسمعون الدرس من القرية بركة هذا الصالح. يعني ابن الجوزي هذا كان قوي في الوعظ، وكان يرد على المشبهة رد قوي، وعنده كتاب هذا جميل اسمه دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، يعني تعطيه كفة الجاهل كفة يعني تريحها بالعلم، جاهد السلاح هو العلم سلاح. أبو حنيفة عندما سألوه قالوا تحكي أنت والعرض والجسم والتحيز وكذا كلام هذا في قالوا الصحابة كانوا يتكلموا الكلام هذا، شنو جاوب أبو حنيفة؟ قال إنما مثلهم ليس كأناس ليس بحضرتهم من يقاتلهم، فلم يحتاجوا إلى إبراز السلاح، ومثلنا كأناس بحضرتهم من يقاتلهم فاحتاجوا لإبراز السلاح. قالوا مش معناه ما عندهم سلاح، لكن ما جاوش قدامهم ناس برشا تعبانين باش يخرجوا لهم سلاح قوي، نحنا جاو برشا ناس تعبانين احتاجنا نخرجوا سلاح قوي. هذا اللغة معناه، مش معناها ما يفهمش علي أو مثل أبي حنيفة، لا، علي عنده ذكاء، وسيدنا عبد الله بن عباس زاد ولد عم الرسول زاد بعثه أبو بكر يناظر المعتزلة، أبو بكر أو علي نسيت بعثوا الحاصل بعثوه يعني الصحابة، واحد من الخلفاء بعثوا عمل مناظرة مع المعتزلة، كان قوي في العلم. إذن هذا كلام أبي حنيفة. دونك on a dit en fait Pharaon donc il est égaré. Les gens, il y en a, les wahhabis, les sectes égarés, ils prennent comme preuve Pharaon. Ils disent, regardez, Pharaon, il a dit, construis-moi une tour pour voir le ciel, pour voir Dieu qui est dans le ciel. Ils disent, ah, voilà la preuve. Tellement ils sont stupides. Alors, il y avait un grand savant, déjà avant, parce que leur prédécesseur, il disait cette bêtise. Un grand savant qui s'appelle Ibn al-Jawzi, il a écrit un livre très connu qui s'appelle « Daf'u shubah al-tashbih bi'akuf al-tanzih ». Il a cité ça, il a dit, regardez, ils prennent comme preuve Pharaon. Alors dans la suite du verset, Dieu dit, وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ. C'est-à-dire, il a été voilé du chemin de droit. Il a dit, ça veut dire, celui qui croit comme Pharaon, il est égaré. Voilà la preuve. Dans la suite du verset. Donc ils sont bêtes ces gens-là. Et là, on a profité pour citer Ibn al-Jawzi, en fait. Ibn al-Jawzi, il ne faut pas confondre. لا مسامي ما خلطش. ثم واحد مشبه اسمه ابن قيم الجوزية، هذا واحد مشبه ضال مضل. ابن قيم الجوزية هذا جماعة المطرفين يعبدوها، جماعة داعش وكذا عنهما، لو تحكي عليه يذبحوك ويرموك. هذا تلميذ ابن تيمية، ابن قيم الجوزية هذا ضال مضل، ردوا عليه العلماء كذا. ابن الجوزي هذا أقدم منهم، هذا عالم حنبلي، ابن الجوزي. Donc ne pas confondre entre Ibn al-Jawzi qui est le grand savant hanbalite et entre quelqu'un qui est un égaré qui s'appelle Ibn Qayyim al-Jawzi. Donc je vous dis c'est un égaré. Donc par contre les extrémistes, si tu dis qu'il est égaré, ils peuvent t'égorger devant. Donc tellement c'est des gens extrémistes. Parce que c'est vraiment leur gourou du Qal suprême, si on peut dire. Sur leur gourou suprême, c'est enfin l'élève de leur gourou suprême pour eux. C'est parce que c'est l'élève de Ibn Taymiyyah en fait. Ils enseignent les livres aux terroristes, ils enseignent le livre, ils leur distribuent le livre de Ibn Taymiyyah. Donc attention aussi. Donc c'est parce qu'ils sont vraiment très dangereux, donc faire attention. Tu récites, tu tombes avec eux, tu récites. Allahu Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Tu fais le doua. Parce qu'on a vu de nos yeux, hein, ils sont vraiment. Ils sont très dangereux. Et ils sont très dangereux, surtout pour égorger les musulmans. Pour les... Ah, c'est grec frites avec toi, ils font. Et pour de vrai, hein. إذن فرأينا كيفاش العلماء يردوا ويدافعوا عن الدين، شيء مش جديد هذا. قرينا صلاح الدين الأيوبي، عقيدة السنوسية، ابن عاشر، هذا هو واحد عمل ملاحظة من الناس المصلين، الناس الحمد لله ثم الله يهدي ما يشاء، ثم الناس تحكي يدخل منا يخرج منا كما في عهد الرسول. قل ماذا قال آنفا، هذا ورد في القرآن، الله ختم على قلوبهم، كان منافقين وكان في عهد الرسول ما أدرك. الآن كيف طبعا الناس حتى يجي لهنا غير سورة، ثم ناس هداهم الله. واحد قال لي سبحان الله اللي تقولوا فيه هذا يخبوننا فيهم، هو معروف عندهم في البروباغندا، يقول لك يقولوا هم تغير التاريخ، يحبوش الناس تعرف هذا. حتى في الجوامع تسمع في الجوامع هذا الحديث، تكاد لا تسمع، مش الناس تبقى في جهل. هذا هو قوتنا وحضارتنا وتاريخنا، هذا صلاح الدين، هذا محمد الفاتح، مش فنان ودكتور وكذا ياخذ الدولارات وكراه بتشعل، لا مش هذا. الشافعي وما أدراك كان ما عندوش كراسة، ما عندوش يشري كراسة، ما الإمام مالك كان يمشي حفيان. هذا الناس خدموا الدين، مش باعوا الدين، خدموا الدين وضحوا للدين. صلاح الدين الأيوبي وكذا، هذا هم اللي نعلموهم، مش كل مش نعلم عنه الدجال بتاع الجزيرة وبتاع فلان في الليل تشعل هيك كل المسلمين برا Donc c'est ça qu'on enseigne. Il y avait quelqu'un, il a fait une remarque, des gens qui viennent prier, bien sûr, et des gens à l'époque du prophète, et des gens ils assistaient, ils comprenaient rien. Rasoul قال ما أظن فلان وفلان يعرفان من ديننا شيئا. C'est Dieu qui guide. Il y a des gens ils viennent ici par image. Après derrière ils parlent, ils disent du mal. À l'époque du prophète il y avait ça. Il y avait des hypocrites, ils venaient. Après des gens ils venaient exprès pour détourner les gens. Même dans les batailles, il venait pour dire non, ça il fait chaud, pourquoi tu vas avec lui? Ça c'est dit dans le Coran. Mais il y a des gens qu'ils ont compris, alhamdoulilah. Il y en a, il a fait la remarque, il a dit, ici vous enseignez vraiment les choses que les autres ils nous cachent. Il l'a remarqué, ça se voit clairement, toujours on parle à Abu Hanifa, Shafi'i al-Bukhari, Salah ad-Din al-Ayyubi, Muhammad al-Fatih, Nawawi. Voilà, c'est le, la grande civilisation musulmane, La force des musulmans, c'est la connaissance, la vraie histoire des musulmans. La voix des musulmans, la voix des compagnons. Il y en a, ils ont remarqué, alhamdoulilah. Et c'est ça. C'est pas ceux qui vendent leur religion, ceux qui ont sacrifié leur vie pour la religion. C'est pas ceux qui vendent la religion pour quelques poignées de dollars. Pour une chaise, pour un... Après, ils finissent mal. Il y en a qui se sont moqués de la religion, regardez, ils ont fini. On va pas citer, non, mais... Ceux qui... كانوا يتمسخروا بالدين يتمسخروا ويقولوا معليش تتمسخر بالرسول ها هو اللي تو الناس تتمسخر بهم ها أمثلة تشوفها تمسخروا بالدين ثم واحد دكتور في مصر تمسخر بالدين حطوه رموه في الحبس جمعته هما كما يقولوا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين خرجنا بني مسالمين تمسخر بالدين تسمع فيه بأذنها يعني تبهد الناس ما تحشمش تقول معليش تسب الرسول واحد ها في فرنسا ولا مضحكه ومزبله ومهزله كان يقول الناس في التلفاز معليش تمسخ بالرسول ما يحشمش حتى الجوره ردوا عليه بهتوا انا سمعت اذني قلت له الجاوريه كيفاش حرام على المسلمين يولي حلال على غير المسلمين هكا قالت له الجاوريه لكن دي جون يسموك دو لا ريليجون مي يفون با غاني يفون فينير مال. On voit des gens qui se moquent de la religion, ils ont fini en prison. Les gens eux-mêmes qui les ont. Qui m'a shaitan ? Qala, ba'd ki chef, qala, inni akhafu Allah rabbal alamin. Inni ara ma la taraun, inni akhafu Allah rabbal alamin. Gulam barru, barru, yuhal, jahum fi ghazwat badr, shaitan, iblis, gulam. Yuhithuhum fi qatlu rasul. Ba'd chef al malaika, chef al harab. Gulam, alayh, harab. Qala, inni ara ma la taraun. شاف جبريل جاء مع الملائكة هذوما كيف كيف هزوهم الكفر وبعد رموه في الحبس واحد دكتور في مصر يتمسخر بالدين وكذا وهاو الآن maintenant dans quelqu'un il y a ceux qui se moquaient du prophète et tout ils ont fini ceux qui l'ont incité comme Shaitan et ceux qui l'ont mis ils se moquent de lui et il est dans des problèmes et... Alors qu'avant, il l'invitait, il disait, moque-toi du prophète, normal. Il y a même une Française, elle a dit, mais c'est interdit pour les musulmans, ça devient permis pour les non-musulmans, c'est pas logique. Ce qui est interdit, pour elle, c'est pas logique. Ivan, sonna ila nihaya. Fa. الإنسان يشد في الدين ويحفظ ويدافع عن الدين احنا خلوش سياسة وكذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن ترد بالك تتبعش الرسول عليه الصلاة والسلام قال سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ما عندكش عذر تتبعش هؤلاء donc là bien sûr le musulman il rentre pas dans ces histoires là mais il doit préserver sa religion et ne pas suivre aveuglément et mettre en garde les gens. Que le prophète nous a appris dans les signes de la fin du monde, il y en a qui, les gens prendront parmi les signes de la fin du monde, يعني, إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. C'est-à-dire qu'il y aura peu de savants, très très peu, et les gens prendront comme référence des ignorants, c'est ce qu'on voit. Qui interrogent et répondent sans science provoqueront leur égarement et l'égarement des autres. C'est-à-dire, il n'y a pas d'excuse si je suis aveuglément. Donc, il faut suivre les preuves. Laïs al-haqq yu'araf bil-rijali, walakin al-rijala yu'arafuna bil-haqq. Chauffe le calam, Zayna Ali. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. Voilà. C'est ça la voie intelligente. Suivre la preuve, le Coran, le Hadith, la raison. Tiba, dalil, l'aqli, shara'i, Coran ou le Hadith. Hada ho. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.